de rien, plus aucun maintien, car la flemme me détient, la peine me soutient, le mal le m'obtient, je me sens mal dans ma peau et parmi les miens. Je voulais fumer la vie, mais la fume a saisi, cette fume a moisi, à elle je dois ma frénésie, c'est moi qui l'ai choisi, cette triste poésie, j'étais proche de l'amnésie, quasi perdu ma fantaisie, pour ça j'ai stoppé les shit, stoppé les cuites, stoppé de croire que cette merde m'excite, ce n'est pas un mérite, je veux pas qu'on félicite, cette longue année, cette merde m'a rendu visite, mais malgré tout cela, regarde-moi où je suis, Bac plus 4, c'est là-dedans que je m'épanouis, j'ai lâché l'ennui, et je me suis instruit, toujours rester positif, c'est ce qui porte ses fruits. Une balle dans la tête, après quelques années de mépris tu t'endettes. Dans la vie c'est soit le droit chemin soit perpète. Le taf imperpétuel le tête à tête. Une balle dans la tête, après quelques années de mépris tu t'endettes. Dans la vie c'est soit le droit chemin soit perpète. Le taf imperpétuel le tête à tête. Ses regrets, à chaque homme ses erreurs commises, c'est des bouches consommées. J'ai le droit à pas s'oublier, y'a pas le choix, faut lutter. Sa pénitence, la volonté pour pouvoir se relever et ne pas cesser de s'estimer. J'pense avoir exécuté cette lourde tâche éreintante, avoir mis fin à mes tourments. Mais le sommeil me rappelle que j'marche toujours avec elle. Qu'elle factice mes choix, qu'elle m'empêche d'avancer. Me dissuade de m'engager après avoir essayé, malheureusement sans succès, d'assassiner mes démons. J'me suis fait, j'ai une raison, mon esprit torturé. Ne peut être soulagé, l'âme tournée vers l'horizon. Je ne vois que deux solutions, soit j'apprends à vivre avec, ou je me mets une balle dans la tête. Ouais, je crois que ça va le faire, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. J'entends même des enfants rire, le Seigneur m'aura offert un beau jour pour mourir. Pour mourir. Une balle dans la tête, après quelques années de mépris tu t'endettes. Dans la vie c'est soit le droit chemin soit perpète. Le taf imperpétuel le tête à tête. Dans la tête, après quelques années de mépris tu t'endettes. Dans la vie c'est soit le droit chemin soit perpète. Le taf imperpétuel le tête à tête. Des larmes sur mon visage, tu n'en verras pas. Qu'est-ce que tu crois à toi? Moi aussi j'ai porté ma croix. Et à chaque jour que Dieu fait, de mon mieux je fais. Des fois on tombe mais on a le mérite, on le sait. Et cette putain de vie te met des chiffres, donc on avance comme on peut, en esquivant les risques. Et les risques on les connaît quand on a le monde sur les épaules. Le poids d'une tombe sur la tête, c'est pas une tape sur l'épaule. Les doutes et les regrets, on connaît ça par cœur. Chaque fois les mêmes sales histoires taguées au marqueur. Nos parcours sinueux comme celui d'une goutte de sang sur le visage meurtri d'un enfant. À chaque coup que je prends, un peu plus je comprends. Je m'en relève, c'est comme ça qu'on entreprend. J'en apprends tous les jours un peu plus sur moi-même. Faut être fort car la vie c'est pas un poème. Une balle dans la tête, après quelques années de mépris tu t'endettes. Dans la vie c'est soit le droit chemin soit perpète. Le taf imperpétuel le tête à tête. Une balle dans la tête, après quelques années de mépris tu t'endettes. Dans la vie c'est soit le droit chemin soit perpète. Le taf imperpétuel le tête à tête.